images de guerre insolites. Des vedettes lance-torpilles, des chasseurs-bombardiers israéliens attaquent un navire américain qui arbore le pavillon de l'US Navy. Deux alliés traditionnels qui se combattent. Et il ne s'agit pas de manœuvres. Il y a des morts et de nombreux blessés. Et le bâtiment états-unien gîte et menace de couler. La suite n'est pas moins surprenante. En pleine guerre froide, ce sont deux destroyers soviétiques qui viennent au secours des marins américains et permettent aux navires blessés de faire route au nord vers l'île de Malte. Je n'ai rien inventé. Ces scènes se sont réellement déroulées en juin 1967 au large des côtes égyptiennes. Et l'USS Liberty, tel était son nom, était dans un état si pitoyable que cet ancien cargo refait à neuf a été envoyé directement à la ferraille dès son arrivée aux États-Unis. Alors, que s'est-il passé exactement? Pourquoi cette attaque israélienne qui a eu lieu en pleine guerre des six jours, au moment même où les deux super grands, également préoccupés par la bataille qui opposait Israël aux pays arabes, avaient déclenché l'alerte atomique et où le moindre incident pouvait dégénérer? Le secrétaire états-unien à la défense, Robert McNamara, a d'ailleurs avoué 20 ans plus tard que ce jour-là, une troisième guerre mondiale avait été évitée de justesse. Monsieur X revient sur cette étrange affaire qui a été prestement étouffée et essaie d'expliquer pourquoi les Israéliens ont attaqué un bâtiment ami, tué plus de 30 marins américains et blessé plus de 150 autres. Bah, autant le dire tout de suite, le Liberty n'était pas tout à fait un navire de guerre comme les autres. C'est-à-dire hein? Bah, c'était ce qu'on pourrait appeler un navire espion, un bâtiment pourvu de très très grandes oreilles, capable d'intercepter toutes les communications émises dans sa zone d'écoute. Ouais, un navire espion, oui. Est-ce que ça veut dire que c'était un bâtiment des services secrets états-uniens? Non, le Liberty appartenait à la Navy, mais c'était la plus grande agence de renseignement des États-Unis, et la plus secrète aussi, la NSA, qui l'avait équipée et entendait bien utiliser à son service. Mmh. Ah, vous insinuez qu'il pouvait y avoir un conflit d'autorité, hein? Exactement, oui. Mmh. Et ça joue un rôle dans la tragédie du Liberty. Enfin, je résume. Fin mai, alors que la situation se tente au Proche-Orient, le navire est envoyé en Méditerranée. À la faveur d'une escale en Espagne, il reçoit le renfort d'une trentaine de spécialistes des écoutes électroniques. Puis il se dirige vers la Crète. Pour la NSA, c'est une position idéale pour intercepter les communications diplomatiques et stratégiques des pays de la région. Mais le 5 juin, la guerre des six jours éclate. Enfin, je vais y revenir. L'état-major de la marine américaine demande alors que le Liberty se rapproche des côtes israéliennes et égyptiennes, juste à la limite des eaux territoriales. Et là, pour quelle raison là? La marine veut obtenir des informations sur le déroulement des combats et la nature des armements utilisés par les belligérants. Il faut donc capter les émissions à courte distance, ce qu'on appelle les écoutes tactiques. Et le 8 juin, alors que le Liberty se trouve au large de la localité égyptienne d'El Arish et fait route à petite vitesse vers Alexandrie, c'est l'attaque israélienne. Mais si on veut comprendre, ou essayer de comprendre, il faut opérer un petit retour en arrière. Oui, puis voir ce qui a précédé le déclenchement de la guerre des six jours. Oui, il est évident que malgré les armistices qui ont été signés entre Israël et les pays arabes, la guerre recommencera un jour ou l'autre. Au nord, on note de nombreux incidents à la frontière syrienne, des incidents souvent provoqués par les militaires israéliens, je n'invente rien. C'est le général Moshe Dayan qui l'a reconnu lui-même. Et naturellement, les Syriens répliquent en s'en prenant aux kibboutzim de cette région frontalière. D'autant qu'installés sur le Golan, ils peuvent facilement tirer sur les installations israéliennes de la vallée. Mais pourquoi ces provocations alors? Oh, il y a longtemps que kibboutz Inkin lorgne sur les terres très fertiles du Golan. Et ils se disent en parfait accord avec les commandants israéliens de la région qu'un jour ou l'autre, un incident plus sérieux que les autres pourrait permettre à Tsahal de progresser en territoire syrien. Donc d'accaparer des terres. Absolument. Au sud, la situation n'est pas moins tendue. Là, c'est Gamal Abdel Nasser qui fait monter la pression. Pourquoi alors à ce moment-là? Le leader égyptien brûle d'en découdre. La revanche. Oui, il veut à la fois restaurer son image dans le monde arabe et réaliser son vœu le plus secret, c'est-à-dire détruire Israël. Et fort de son alliance avec l'URSS, il croit pouvoir vaincre. Mais ce quoi? Il se trompe lourdement. Hein? Certes, mais ses généraux sont confiants et lui affirment que l'armée égyptienne est prête. On se dirige donc tout droit vers la guerre, hein. Oui, mais enfin, c'est comme dans les westerns. Qui tiendra le premier? C'est-à-dire, qui prendra le risque d'apparaître comme l'agresseur? Mais dans un cas comme ça, il faut donc pousser l'autre à la faute. Ah bah, bien sûr. À la mi-mai 1967, Nasser masse des troupes dans le Sinaï à proximité de la frontière israélienne. En même temps, il réactive le pacte de défense conclu avec la Syrie. Israël riposte aussitôt en annonçant la mobilisation d'une partie de ses réservistes. 24 heures plus tard, l'Égypte demande à l'ONU d'évacuer ses casques bleus positionnés sur la frontière. Enfin, et surtout, Nasser annonce la fermeture du détroit de Tiran au débouché du golfe d'Aqaba. Ça signifie concrètement le blocus du port israélien d'Elat. Ouais, c'est l'escalade. En effet. Et le gouvernement israélien ne tarde pas à déclarer qu'il s'agit là d'un casus belli. Mmh. Et Nasser le savait. Oh, bien entendu. Suivent ensuite de nombreuses manœuvres diplomatiques. Pour empêcher la guerre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, entreprend ainsi une tournée des capitales occidentales. À Paris, le général de Gaulle le met en garde. « Ne soyez pas les premiers à ouvrir le feu, vous perdriez l'appui de la France. » La France qui, depuis le retour du général, amène une politique arabe, enfin pro-arabe, très active. Ah, qui demeure néanmoins l'un des principaux fournisseurs d'armes d'Israël. À Washington, Eban rencontre le président Johnson. Celui-ci essaie de le convaincre qu'il faut en appeler à l'ONU et trouver une solution pacifique. Mais c'est très hypocrite, car dans le même temps, le chef du Mossad rencontre secrètement son homologue de la CIA. Et il obtient un feu vert. Un feu vert pour qu'Israël se lance dans la guerre. Effectivement, oui. Le patron de la CIA lui promet son soutien. Et les États-Unis envoient en Israël, le plus discrètement possible, bien sûr, une escadrille de fantômes, des avions de reconnaissance qui seront basés dans le Negev. Pour autant, tous les Israéliens ne sont pas sur la même longueur d'onde quant à la décision d'entreprendre une guerre préventive contre les Arabes. Mmh. Et une guerre préventive, c'est exactement l'expression qu'a utilisée George W. Bush quand il a décidé d'attaquer l'Irak. Hein. Oui, vous avez raison. Et la comparaison n'est pas si abusive qu'il y paraît. Le principal argument des partisans israéliens de la guerre préventive sera de dire « Si nous n'attaquons pas les premiers, Israël sera en danger de mort. » Comme Bush qui prétendait que les armes de destruction massive de Saddam Hussein menaçaient les États-Unis. Bon, arrêtons là la comparaison. Faut jamais oublier qu'Israël est un tout petit pays doté, certes, d'un considérable potentiel militaire, mais entouré par des pays arabes beaucoup plus peuplés. Ouais, ça c'est le syndrome de l'encerclement. Tout à fait, oui. Alors, vous me parliez de dissension dans le camp israélien. Exactement. Pour simplifier, il y a les colombes et puis les faucons. Oui, alors les colombes qui... Bon, essentiellement des politiques, à commencer par le premier ministre travailliste, Lévi Eshkol, et son ministre des Affaires étrangères, Abba Eban. Ces hommes sont persuadés que Tsahal risque de ne pas faire le poids face aux armées égyptiennes, syriennes et même jordaniennes si le petit roi Hussein est entraîné dans la tourmente et lance dans l'action sa célèbre légion arabe. Ouais. Ses dirigeants sont d'autant plus inquiets que le Caire et Damas ont été puissamment équipés par Moscou. Mmh. Alors en face, là, les faucons. Ah bah, ce sont surtout des militaires, des officiers prestigieux comme Dayan, Rabin ou encore Weissmann. Weissmann, le futur président de la République, hein, qui vient de mourir. Oui, oui. Mmh. Weissmann qui a commandé l'aviation israélienne. Il y a encore parmi ces faucons les chefs des services secrets. Tous, soutenus par l'état-major, plaident pour la guerre préventive et reprochent violemment à Eshkol sa pusillanimité. Certains acteurs militaires ont même reconnu, a posteriori, qu'on était alors passé tout près d'un putsch. Un putsch, c'est quelque chose d'assez inimaginable en Israël. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça signifie que la crise était profonde. Mais soyons clairs, chez certains de ces faucons, il existait des arrière-pensées. Quoi, alors? Bah, le rêve du grand Israël, une nouvelle guerre avec les Arabes, et ces faucons ne doutaient pas que Tsahal balayerait les armées ennemies. Permettrait donc de conquérir de nouveaux territoires. Ouais, la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï. Et surtout la vieille ville de Jérusalem, qui était toujours contrôlée par les Jordaniens. Ben, pour être tout à fait honnête, un homme comme Moshe Dayan ne partageait pas cette idée. Bien au contraire. Il a toujours soutenu que l'armée israélienne aurait dû se retirer de ces territoires dès la victoire acquise. À l'exception de Jérusalem, en raison de son caractère symbolique. Alors, si on avait écouté Dayan, on aurait peut-être fait l'économie de pas mal de drames. Mais... c'est tout à fait possible. Enfin, il est inutile d'essayer de refaire l'histoire. Alors, poursuivons. Tandis qu'au Caire, Nasser continue à gesticuler et à proclamer que l'État d'Israël sera détruit, le premier ministre israélien, Lévi Eshkol, forme un gouvernement d'union nationale. Begin, le vieil ennemi des travaillistes, accepte d'entrer au cabinet. Et en même temps, les pressions sont de plus en plus nombreuses, tant dans l'armée que dans la classe politique, pour que Eshkol attribue le poste de ministre de la Défense à Moshe Dayan. Et ça va effectivement aboutir. Hein. Le 1er juin, les Faucons ont gagné. 4 jours plus tard, c'est la guerre. Israël était-il vraiment en danger en 1967? En d'autres termes, est-ce que les menaces de Nasser devaient être prises au sérieux? Voici ce que je lis dans le livre d'un historien spécialiste des questions stratégiques, Pierre Razou. Le général de Gaulle, se référant au rapport des services de renseignement français, était convaincu de la supériorité militaire d'Israël, précisant même à son aide de camp que l'État hébreu ne risquait absolument plus la destruction. Mordecai Bentov, membre du gouvernement de coalition pendant la guerre, alla même plus loin en reconnaissant que toute cette histoire à propos du danger d'extermination d'Israël, juste avant la guerre des six jours, n'était que pure propagande pour justifier a posteriori l'annexion des territoires occupés. Cette appréciation fut confirmée plus tard par le général Matiyahou Peled, responsable de la logistique pendant le conflit, lorsque celui-ci déclara, lors d'une interview télévisée diffusée aux États-Unis, que pendant la guerre des six jours, Israël ne risquait pas la destruction et que toute allégation tendant à faire croire que les forces égyptiennes concentrées à proximité de la frontière israélienne pourraient menacer la survie de l'État hébreu constituait une insulte à l'efficacité des forces armées israéliennes et à l'intelligence de quiconque était capable d'analyser sérieusement le rapport des forces alors en présence. Le livre de Pierre Razou, La guerre des six jours, du mythe à la réalité, a été publié en 2004 par les éditions Economica. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique de la guerre des six jours, car je voudrais en venir vite à l'affaire du Liberty. Je vous rappelle toutefois que c'est le 5 juin au matin que l'aviation israélienne attaque tous les aérodromes égyptiens du nord de l'Égypte et du Sinaï. Et la plupart des appareils égyptiens sont détruits au sol. Oui, effectivement, un vrai désastre pour Nasser. Simultanément, les troupes au sol déferlent sur le Sinaï et bousculent les Égyptiens. Ça se terminera d'ailleurs au bord du canal de Suez. Hein. Une offensive éclair et une nouvelle catastrophe pour les Égyptiens. Et dans le même temps, Tsahal se lance à l'assaut de Jérusalem et de la Cisjordanie contre les troupes de Hussein. Et là encore, les Israéliens sont vainqueurs. Le 7 juin, un cessez-le-feu intervient entre la Jordanie et Israël. Et le lendemain, le 8, c'est au tour de l'Égypte d'accepter l'arrêt des combats. Un deuxième cessez-le-feu également accepté par la Syrie. Auparavant, il faut le souligner, l'URSS et les États-Unis ont déclenché l'alerte atomique. Et leurs escadres naviguent en Méditerranée. Ouais, crise très importante. Hein. Mm-hmm. Mais le 8 juin, les combats sont donc terminés. Et ce 8 juin, c'est aussi le jour où les Israéliens vont attaquer le Liberty. Alors, voyons précisément comment ça se passe. Ce matin-là, le Liberty croise au large des côtes du Sinaï. Quelle distance ? Une dizaine de milles marins. Il navigue lentement, 5 nœuds. Dans la nuit, il a été survolé par 2 appareils israéliens. Quoi ? Est-ce que c'était une mission de reconnaissance ? Certainement. Mais le navire espion avait alors mis en service son système de brouillage électronique et les 2 pilotes n'avaient pu mener à bien leur mission nocturne. Toutefois, au matin, alors que le temps est parfaitement clair, le Liberty est à nouveau survolé par des avions israéliens. À 7 reprises, on dit les survivants du navire. Question essentielle, est-ce que le bâtiment arbore la bannière étoilée ? Tout à fait, et ce pavillon est bien visible. Au tout début de l'après-midi, un nouvel avion, un Nord Atlas, se présente au-dessus du Liberty et effectue quelques cercles. Et l'équipage note alors que les communications sont brouillées. Les communications du Liberty ? Oui. Et presque aussitôt surgissent 4 Mirage 3 israéliens volant à basse altitude. Puis, 2 super mystères. Un tour au-dessus du Liberty, et tout de suite, les chasseurs attaquent. Roquettes, bombes, napalm, tout y passe. Et ça dure 20 bonnes minutes. Puis les appareils, sans doute à court de munitions, s'éloignent vers la Terre. Ouais. Et sur le Liberty hein. Oh, les dégâts sont considérables. Les immenses antennes, les superstructures ne sont plus que des tas de ferrailles. Toutefois, coque et moteur sont quasiment intacts. Ah, ça veut dire que le bâtiment peut encore naviguer. Oui, oui, mais ses moyens de communication sont anéantis. Le Liberty est pratiquement sourd et muet. Et puis, j'imagine qu'à bord, on ne doit pas comprendre. Bien sûr. Pourquoi cette attaque subite ? Et surtout de la part d'un allié. Le commandant, constatant que le pavillon états-unien a été emporté par les tirs, en a même fait hisser un autre, encore plus large, alors que les avions israéliens continuaient à pilonner le pont. Donc, aucune confusion possible. Oh ben c'est certain, mais je reviendrai sur ce point. En tout cas, sur le Liberty, le calme est de courte durée. 10 minutes après la disparition des chasseurs-bombardiers, 3 vedettes lance-torpilles israéliennes approchent à grande vitesse. Et même en poussant ses moteurs, le Liberty ne peut échapper à ces bâtiments très rapides. Alors, et ces vedettes-là, elles attaquent à leur tour ? Effectivement, elles lancent leurs torpilles. Plusieurs ratent leur cible, mais l'une atteint le Liberty de plein fouet. La coque est éventrée sur plus de 10 mètres et une vingtaine de techniciens qui se trouvaient derrière, dans une salle de contrôle, sont tués sur le coup. Cette fois, le bateau est gravement touché et prend de la gîte. Mais heureusement, grâce à ses compartiments étanches, il continue à flotter. Cependant, et c'est incroyable, les Israéliens continuent à attaquer. Alors que le Liberty est maintenant complètement paralysé. Hein. Les moteurs sont arrêtés et il n'y a plus d'électricité à bord. Toutefois, le commandant fait mettre en batterie les 4 mitrailleuses lourdes qui équipent le bâtiment. Son seul armement, d'ailleurs. Et les vedettes israéliennes sont contraintes de rester à distance, mais continuent néanmoins à harceler le Liberty pendant une demi-heure. Et puis soudain, c'est le calme. Ici se place un fait étonnant. Une des vedettes entre en communication avec le Liberty et demande si les Américains ont besoin d'aide. Après l'avoir attaqué de façon si résolue? Et sans mobile apparent. La réponse du commandant du Liberty est bien sûr négative. Et tandis que les Israéliens s'éloignent, à bord, on essaie de remettre les moteurs en marche. Mmh. Avec succès? Oui. Et un peu plus tard, alors que le Liberty se traîne vers le nord, il est rejoint par 2 destroyers soviétiques. Et c'est ainsi qu'escorté et protégé par ces 2 bâtiments qu'il peut rallier la 6e flotte états-unienne qui croise au large de Chypre. Si les dégâts à bord sont considérables, le Liberty, irréparable, finira d'ailleurs à la ferraille. Le bilan humain est dramatique. Plus de 30 morts et près de 200 blessés. Et les conséquences? Parce que j'imagine que les États-Unis doivent élever une protestation énergique. Eh ben non. Non, non. Et ce n'est pas le moins surprenant de cette affaire. Mais écoutez bien. Évidemment, le gouvernement israélien exprime ses plus sincères regrets et annonce aussitôt son intention de dédommager les blessés et les familles des disparus. Mais l'État hébreu refuse de reconnaître sa responsabilité. Pourtant, ce sont bien les Israéliens qui ont attaqué le Liberty. Certes, mais à Jérusalem, on affirme qu'il y a eu confusion. La confusion avec un autre navire? Oui, oui, les Israéliens donneront d'ailleurs plusieurs versions de ce qu'ils appellent encore aujourd'hui une regrettable confusion. Bref, un accident, quoi. C'est ça. Première version, le Liberty aurait été pris pour un destroyer égyptien. Malgré le pavillon américain, bien visible, avez-vous dit. Mais il n'y a pas que ça. Il est difficile de confondre, surtout par beau temps, la silhouette d'un destroyer pourvu de tourelles de canon avec celle du Liberty, équipée de gigantesques antennes. Cependant, pour accréditer cette version, il a été aussi prétendu qu'un bâtiment égyptien présent, hors de la zone des 12 000, aurait bombardé la côte dans la matinée. Or, la marine égyptienne ne disposait pas de navires capables d'effectuer de tels tirs, et le Mossad ne l'ignorait pas. Donc, nouveau mensonge. Alors, les Israéliens ont aussi soutenu que leurs aviateurs et marins avaient cru avoir affaire à un vieux vapeur égyptien, autrefois utilisé pour le transport des chevaux. Là encore, ce n'est pas très sérieux, car ce bâtiment était 2 fois moins long que le Liberty. Et puis, on parlera ensuite de confusion avec un chalutier soviétique. Mais ces chalutiers qui étaient souvent des bâtiments espions, hein. C'est exact, oui. Mais là encore, ça ne tient pas. Pourtant, comme on ne peut pas en rester là, Israéliens et Américains, chacun de leur côté, décident de nommer une commission d'enquête. 2 commissions d'enquête, donc. Mais une seule et même conclusion, le Liberty a bien été victime d'une méprise. En fait, disons-le tout de suite, il semble bien que les 2 gouvernements se sont mis d'accord pour étouffer cette regrettable erreur, comme la nomme le rapporteur israélien. Ouais. Du point de vue israélien, on comprend, hein. Mais c'est l'attitude des Américains qui est étonnante. Ben, je suis d'accord. Or, la volonté d'étouffement est manifeste. Le Congrès, par exemple, n'a jamais été autorisé à mener sa propre enquête. Or, c'est toujours la règle quand des militaires états-uniens sont tués à l'étranger. Autre sujet d'étonnement. Le rapport israélien a été interdit de publication aux États-Unis. Pour quelle raison? Le gouvernement a affirmé que cette publication nuirait aux relations avec un pays allié. Et les Américains n'avaient d'ailleurs eu connaissance de ce rapport qu'à la condition de le garder secret. Ouais. Excellent. C'est donc que ce texte, hein, tout en concluant l'hypothèse de l'accident, comportait des éléments embarrassants pour les Israéliens. Certainement, car l'un des hommes chargés de l'enquête, un procureur israélien, a mis en évidence plusieurs fautes graves dans la chaîne de commandement. Des fautes inacceptables, susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires. Mais en fait, si vous voulez mon avis, C'était une tentative supplémentaire pour accréditer la thèse de l'accident et donc masquer la vérité. Je reviens au livre de Pierre Razou sur la guerre des six jours. Évoquant l'affaire du Liberty, il observe qu'il y a eu un précédent, je le cite. 11 ans plus tôt, le 3 novembre 1956, en pleine expédition de Suez, 4 chasseurs israéliens avaient en effet attaqué la frégate britannique HMS Crane qui naviguait au large de Sharm el-Sheikh, pensant qu'il s'agissait d'une frégate égyptienne Domiat. Cette dernière avait en fait été coulée la nuit précédente par la Royal Navy. 4 marins furent tués lors de cette attaque qui ne causa que des dommages mineurs au navire de guerre de sa gracieuse majesté. Cette bavure n'améliora pas l'état des relations entre l'État hébreu et le Royaume-Uni. Nombreux furent alors ceux qui virent dans cette méprise un coup de canif volontaire destiné à convaincre le gouvernement britannique de ne pas se mêler de trop près des affaires israéliennes. L'attitude traditionnellement pro-arabe du Foreign Office avait en effet suscité des ressentiments durables au sein de la classe dirigeante israélienne. Même si vous pensez que les fautes commises par les militaires israéliens et soulignées par la commission d'enquête n'étaient mentionnées que pour dissimuler la vérité, bah, il faut quand même les détailler. Ah bah, volontiers. Il s'agit, selon le procureur israélien, d'une série de dysfonctionnements. Le premier, qui paraît évident, c'est la faillite du système de reconnaissance. Malgré les survols du Liberty, les pilotes n'auraient pas été capables de reconnaître un navire de l'US Navy. Or, ils disposaient d'un manuel où sont répertoriés tous les navires de guerre avec leurs caractéristiques. Mmh. Autre dysfonctionnement ? Le fait, pour les équipages des vedettes lance-torpilles, de n'avoir pas obéi à un ordre de leur état-major, leur intimant l'ordre de ne pas attaquer. Enfin, il est aussi reproché au commandant de ces vedettes d'avoir tiré avant même d'avoir tenté d'identifier le Liberty. Quant à l'attaché naval, on l'accuse de n'avoir pas vérifié si vraiment il y avait eu bombardement égyptien sur la côte. Donc, si je comprends bien, là, pour ce procureur, la faute revient intégralement aux militaires. Mais notez-le bien, malgré ces accusations très précises, aucun marin ou aviateur ne sera sanctionné. Ce qui était bien la preuve que tout ça était du pipeau. C'est en outre faire injure aux forces israéliennes dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. En réalité, il s'agit de donner des arguments aux Américains pour dissuader les enquêteurs trop curieux et surtout faire taire les survivants du Liberty. Pourtant, ces survivants-là ont dû être entendus, enfin, je suppose. Hein. Vous avez raison. Mais leurs témoignages devant la commission d'enquête ont été tronqués. Alors là aussi, pour manipuler la vérité. Oui, il a fallu attendre les années 80 pour que les marins du Liberty, regroupés en association de défense, donnent leur version dans un livre. Ah, alors, que disent-ils là dans ce... Bah, d'abord, ils révèlent des détails très troublants. Par exemple, ils confirment que les communications du Liberty ont été brouillées avant l'attaque. Mais ils disent aussi que des radeaux de sauvetage mis à l'eau par l'équipage ont été mitraillés. Ah, ça, c'est excessivement grave, hein. En effet. Car ça contrevient à toutes les lois de la guerre. Autre détail, ces survivants affirment que des hélicoptères israéliens ont tenté de se poser sur le Liberty. Enfin, surtout, ces marins livrent leur conviction, la précision des tirs, la coordination entre l'aviation et la marine israélienne indiquent de toute évidence que l'attaque de leur bâtiment était délibérée. Donc, ni accident, ni même une série de fautes graves. Non, ces marins et aviateurs accomplissaient la mission qui leur avait été confiée. Mmh. Alors pourquoi cette attaque délibérée ? C'est évidemment la grande question. Ah, oui. Et là aussi, forcément, il y a plusieurs explications possibles. Voici la première. Le 8 juin, comme je vous l'ai dit, le cessez-le-feu entre Israël et l'Égypte, approuvé également par la Syrie, est intervenu. Et donc la guerre est terminée. Et le petit État hébreu a d'un seul coup quintuplé la superficie de son territoire. Toutefois, certains généraux ne veulent pas en rester là. Ah, c'est les faucons que vous évoquiez, là. Et ils lorgnent sur le Golan syrien. D'autant plus que des délégations de Kibbutz Enikin pressent les autorités de monter à l'assaut du plateau du Golan. Le prétexte, c'est naturellement d'assurer la sécurité des implantations du nord d'Israël. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Bon, ça, je vous l'accorde, mais la réalité est un peu différente. C'est la terre du Golan qu'ils guignent. Et puis, il y a la question de la ressource en eau. S'emparer du Golan, c'est aussi assurer l'approvisionnement en eau d'Israël. Ouais. Mais vous avez parlé de certains généraux. Hein. Tous n'étaient donc pas partisans de s'en prendre au Golan ? C'est exact. Moshe Dayan, le ministre de la Défense, était contre, parce qu'il estimait que la Syrie ne représentait pas une menace. Cependant, il va être débordé. Les politiques, et en particulier les vieilles écoles, le Premier ministre, ne sont pas non plus favorables. Et puis il y a les États-Unis. Qui sont hostiles. Oui. À la Maison-Blanche, on pense, non sans raison, qu'Israël a déjà remporté une victoire considérable sur les Arabes. Donc, il est inutile d'en rajouter, de les humilier une fois de plus. Sans compter que l'ours soviétique, qui s'est contenu jusque-là, pourrait bien finir par sortir ses griffes. Le risque d'une confrontation nucléaire ? Pourquoi pas ? Donc Washington a fermement déconseillé aux Israéliens de tenter une nouvelle aventure. D'accord, j'ai compris, mais alors le Liberty dans tout ça ? Il est tout à fait imaginable que les généraux, en attaquant un navire américain, aient voulu signifier aux États-Unis qu'ils demeuraient les maîtres chez eux et qu'ils daignaient aux Américains toute tentative d'influencer leur politique. Écoutez, quand même, il y avait certainement des moyens plus pacifiques pour faire comprendre ça à leurs alliés états-uniens. Puis, j'imagine que pour effectuer un geste aussi provocateur, les généraux auraient dû obtenir le feu vert des autorités civiles. À moins qu'ils n'aient choisi de mettre le gouvernement devant le fait accompli. Enfin, vous avez raison, je ne crois guère à ce mobile. Alors, autre explication ? Toujours le Golan. Dès ce 8 juin, l'état-major israélien a décidé d'attaquer le plateau syrien. Et les militaires s'y préparent dans le plus grand secret. Ce faisant, ils savent qu'ils vont violer le cessez-le-feu. Et mécontenter leur allié américain. Bien sûr. Et justement, la présence de ce navire espion de l'US Navy à quelques encablures de leur côte peut se révéler très gênante dans cette phase de préparation secrète. Parce que des écoutes opérées par les spécialistes du Liberty auraient pu alerter les Américains. En effet, car ce n'était pas une mince affaire que se préparaient les militaires israéliens. Il s'agissait d'un véritable renversement de front et donc le déplacement de plusieurs unités vers le nord. Un déplacement qui ne passerait pas inaperçu des grandes oreilles du Liberty. Forcément. Instruit des plans israéliens, Washington aurait pu faire pression sur l'État hébreu. Comment ? En menaçant par exemple Israël de communiquer ses plans de bataille à la Syrie. Ouais, tout cela paraît relativement vraisemblable. Et pourtant, je n'y crois pas. Pourquoi alors ? Le Liberty n'était qu'une pièce du dispositif d'écoute états-unien dans la région. Il existait par exemple à l'ambassade américaine de Beyrouth un équipement très sophistiqué qui permettait d'enregistrer toutes les communications du Proche-Orient. D'autre part, un sous-marin américain se trouvait lui aussi en mission d'écoute dans la région et captait tous les messages des belligérants. Et puis il y avait aussi les avions US qui patrouillaient. Donc vous ne croyez pas non plus à cette deuxième version ? C'est exact. Alors quoi ? Voyez-vous, ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est l'acharnement des Israéliens contre le Liberty. Exactement comme si la véritable mission des chasseurs-bombardiers et des vedettes lance-torpilles était de couler le navire américain. Ils ont échoué. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, vous me l'accorderez. Imaginez seulement qu'une autre torpille ait frappé le Liberty. Il aurait à coup sûr coulé et tout l'équipage aurait péri. Pas de survivants, pas de témoins. Donc personne pour accuser les Israéliens. C'est là où je voulais en venir. Il aurait été alors logique de désigner l'agresseur probable, l'Égypte. L'Égypte qui se serait vengée sur un bâtiment états-unien de l'humiliation qu'elle venait de subir. En frappant les États-Unis alliés des Israéliens. Bien entendu. Je veux bien, mais enfin, quel était le résultat espéré par les Israéliens dans cette hypothèse ? Les Américains frappés aussi durement ne pourraient pas manquer de punir les auteurs d'un tel forfait et à leur tour, ils lanceraient une série de raids aériens sur le Caire. Pour se venger. Et peut-être même pour se débarrasser une fois pour toutes de Nasser. Nasser, n'oubliez pas, allié de l'URSS, il faut le répéter. C'était quand même défier ouvertement Moscou. Sans doute. Mais le Kremlin se serait-il engagé dans une épreuve de force en sachant que les Américains ne faisaient que répliquer à une agression égyptienne ? Ça fait beaucoup de questions, tout ça. Oui, je le sais, oui. Et la première d'entre elles est celle-ci. Si j'ai raison, qui a pris la décision de couler le Liberty ? Vous voulez dire le gouvernement israélien ou seulement les militaires ? Enfin, des militaires qui auraient décidé, dans ce cas-là, d'agir sans l'aval des politiques. Alors, votre avis ? Je vais être franc. Je n'en sais rien. Même si tous les dirigeants israéliens devaient brûler d'envie d'éliminer Nasser. Et puis, n'oubliez pas que dans une autre occasion au moins, un général, Sharon, pour ne pas le nommer, a pris sur lui de ne pas obéir au pouvoir civil. Oui, c'est la fameuse opération Père Galilée. Et la marche sur Beyrouth en 1982. Non, la vraie question qui se pose est celle de l'attitude de Washington. La Maison-Blanche était-elle au courant, oui ou non ? La Maison Blanche qui aurait sacrifié un navire et son équipage, non, j'ai du mal à y croire. Hein. Oui, moi aussi. Mais alors, pourquoi les États-Unis se sont-ils empressés, conjointement avec Israël, d'étouffer l'affaire? Seul un auteur américain, Peter Unam, a élaboré une thèse semblable à celle de Monsieur X. Mais pour le reste, la plupart des spécialistes n'y ont apporté aucun crédit. Pour le reste, la décision des Israéliens d'attaquer le Golan, je me suis reporté à une interview de Moshe Dayan, recueillie en 1967 par le journaliste Rami Tal, mais diffusée après la mort du général Born. Je cite cet entretien tel qu'il a été rapporté par Charles Anderlin dans son ouvrage paru chez Fayard, Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes. C'est Dayan qui parle. Je n'ai pas rempli mon devoir de ministre de la Défense le quatrième jour de la guerre lorsqu'une délégation des kibbutzim de Haute-Galilée est venue persuader Lévi Eshkol de déclencher la guerre contre la Syrie. David Elazar les avait envoyés. Il était le commandant de la région militaire nord et considérait que la guerre lui filait entre les doigts. Et cette délégation a fait tout un numéro chez Eshkol en lui disant « Qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous abandonnez? Comment les Syriens peuvent-ils s'en sortir les mains propres ?» Et tout ce baratin. Question du journaliste. Et vous voulez dire que cette offensive contre la Syrie était inutile? Réponse de Dayan. Et comment? Regardez, on peut dire que les Syriens étaient des salauds, qu'il fallait les baiser, que c'était le moment. Et d'autres baratins de ce genre. On ne tape pas un ennemi parce que c'est un salaud, mais parce qu'il vous menace. Et les Syriens, au quatrième jour de la guerre, ne nous menaçaient plus. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter des programmes de Rendez-vous avec X. Je vous rappelle aussi que des livres Rendez-vous avec X, coédités par France Inter, sont en vente.